Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. En vérité, je vous le dis, ils seront jugés plus sévèrement. »